ce match. C'est mixte. Moi, la manière dont je me rappelle de Hans, c'était vraiment un robot, tu vois. C'est-à-dire qu'il venait, il jouait, et le seul truc qui l'intéressait dans sa vie, c'était genre League of Legends et dessiner des mangas le soir, tu vois. Oui. Ce match. Ça arrivait, il jouait son petit Draven et tout, et on n'entendait plus parler et tout, et après il disait j'ai plus de chaise. Et parce que son grand frère lui prenait sa chaise pendant qu'il était en train de jouer, genre il le trollait tout le temps, quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier Push to Talk, le podcast où l'on retrace les parcours de ces fous qui ont fait du jeu vidéo leur métier. Je m'appelle Croc, je suis commentateur League of Legends depuis de nombreuses années et cette semaine je vais m'entretenir avec ces acteurs francophones du jeu vidéo. Joueurs, managers, coachs ou encore créateurs d'équipe. L'idée pendant une heure c'est de partager avec eux leurs histoires, en apprendre plus sur leur parcours et sur leur environnement. Dans ce premier épisode, j'ai l'immense honneur d'être rejoint par un joueur professionnel français, il s'est hissé au plus haut niveau européen, par son skill, ses moves incroyables, sa jeunesse également. C'est Steven Live, mais il est bien plus connu sous le pseudonyme de Hansama. Bienvenue Hans, comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Bah écoute, très bien, je suis heureux de t'accueillir dans ma première émission parce que tu coches toutes les cases de ce que je veux incarner dans ce podcast. Un don pour le jeu, des débuts en scène française, et on en parlera, une place dans les meilleures équipes d'Europe, des playoffs sur scène, et en plus de ça, maintenant un joueur indéboulonnable de la scène européenne. Du coup, je suis super heureux de t'avoir. Ça te décrit nice. Bien, tu crois ? Ouais, ça me décrit bien, même s'il y a beaucoup de up and down. Ça me décrit bien. Alors évidemment, on va parler de ton parcours, mais dans une première partie, j'avais envie un petit peu de parler de tes débuts. Parce que je pense que c'est intéressant de savoir qui est Hansama avant qu'il ne devienne Hansama. Et du coup, bah, évidemment, il y a l'e-sportif, mais il y a aussi la personne. Hans, toi, t'étais qui quand t'étais petit ? T'étais un petit tranquille, un sportif, un élève doué, t'étais calme. T'étais pas tout seul en plus à la maison, je crois. J'étais pas tout seul, il y avait mon frère. J'étais juste un petit random okay. qui joue juste au tennis. Compétitif, genre je faisais beaucoup de tennis et c'est un peu ça qui m'a fait propulser avec un bon mindset sur League. Et tu relis les deux, le tennis et League of Legends, c'est intéressant. C'est ça, parce que tennis j'en ai fait depuis 8 ans. Mm-hmm. J'ai commencé à 6 ans et c'était un peu il y avait beaucoup de focus sur le mental à ce moment-là quand je faisais beaucoup de tournois. Okay. Parce que j'avais l'objectif de devenir pro de tennis. Okay. Tennis téléman, en gros. Mais malheureusement, j'ai pas réussi parce que j'ai toujours eu un problème de physique. Je m'épuisais tellement rapidement. Et ensuite, j'ai arrêté. Quand j'ai fait League of Legends en pro play, c'était genre... le sentiment, c'était commun, genre. Ah ouais, t'avais l'impression de retrouver le côté compétitif que t'avais perdu dans le tennis, quoi. C'est ça. C'est le même feeling que j'ai dans le tennis. C'est... Il y a le stress, comment la gérer, comment être prêt pour un match. C'est exactement le même. Et ça, quand tu parles du fait que t'as arrêté le tennis pour pouvoir passer sur du jeu vidéo, c'était vers quel âge ? Parce que, du coup, 14. 14 ans ? Ouais. 13, 14... Enfin, 12 à 14, c'était un peu les années où j'ai perdu la foi. C'est vrai. Tu le vois comme ça en te disant je serai jamais tennisman. Ouais. J'étais en mode ouais, je joue moins pour le fun. Enfin, j'ai toujours joué tennis pour tryhard. Mm-hmm. Quand à chaque fois je me disais ah mais je m'améliore pas, ça devient boring, j'ai plus envie de jouer au tennis. Et quand j'y vais, je me sens je sais pas, c'est pas comme LOL. Sur LOL, je peux jouer 25 games par jour, je peux encore. Tu peux jouer toute la nuit. J'ai l'impression que dans ce que tu dis, il y a un peu le côté la frustration du physique qui peut pas suivre la cadence de faire du tennis tout le temps. Parce que j'ai l'impression que toi, t'es assez exclusif quand tu fais quelque chose. T'aimes bien que ça se fasse à fond. Et on en reparlera parce qu'il n'y a pas que le tennis, il n'y a pas que League of Legends sur lequel t'aimes bien être à fond. Et entre autres, ben, du coup, c'est exclusif en mode si je fais du tennis, j'en fais à fond. Si je peux pas, ben, je fais du LOL à fond. Quoi. Ouais. Le tennis, c'était toujours un truc qui me bloquait. Juste physique, j'avais vraiment. Une bonne technique, genre, mais et si je tenais au moins 2 heures dans un match full tryhard, c'était déjà la victoire. Full tryhard, no bonobo. C'est en mode, ouais, je suis insane au tennis, mais non, j'arrivais pas. Et du coup, t'en refais encore aujourd'hui un petit peu de tennis ou t'as complètement give up et même pour le Rarement. plaisir, t'as plus trop envie d'en faire? Rarement, rarement. J'y vais genre une fois tous les 3 mois. Ok. Et du coup, bah, t'as découvert League of Legends, mais avant League of Legends, il y avait peut-être d'autres jeux vidéo qui ont un peu bercé ton enfance. Est-ce que tu peux en parler Oui. rapidement? Il y a. Alors, le premier jeu. Ah non, c'était un jeu random Star Wars, je m'en Ok. rappelle plus, mais ça c'est pas trop insane, c'est plutôt Warcraft 3 qui m'a marqué. Il y a Tactical Ops qui m'a marqué aussi, c'était un jeu un peu comme Counter-Strike. D'accord. Et sur tous ces jeux-là, le point commun c'est que j'étais insane. Ah ouais, donc là tout de suite, mais comment tu le sais que t'es insane? C'est ton frère qui te le dit? Non, c'était sur Tactical Ops, Ouais. c'était un jeu qui ressemble à CSGO et les gens ils me traitaient de hacker. C'est un sujet qui va revenir aussi. Parce que Je sur LoL, on aimais m'a aussi trop dit bien. que certains se sont dit, est-ce que c'est pas un scripteur? Donc déjà les mecs se disaient, il est trop fort. Ouais, c'est pareil pour Warcraft 3 aussi. Ah ouais, ok. Donc en fait, pas mal de jeux compétitifs déjà. La Ouais. compétition, ça faisait partie de toi. Ouais, ça fait partie de moi. C'est à chaque fois sur chaque jeu, pour moi, pour que j'ai du fun, c'est que je stompe tout le monde. Si je me fais stomp et que je joue pour le fun, bah c'est pas fun. Et du coup, ça prend beaucoup de temps. Donc comment tu le gères à l'époque où tu vas encore à l'école, a priori? Warcraft 3, Tactical Ou Ops. Warcraft 3 jusqu'à LoL, en fait. À un moment donné, tu vas découvrir LoL, tu joues à pas mal d'autres jeux, tu en parlais justement. Ouais. Mais quand on est jeune, on a l'école, on a parfois bah justement le sport, d'autres trucs. Moi, l'école, ça prend du temps, mais c'est pas un truc qui a stoppé ma progression sur Ok. chaque jeu. C'était genre l'école, c'est pas le mur qui m'empêche à devenir bon. Moi, mon état d'esprit, c'est plutôt que. Enfin, en ayant la passion sur chaque jeu, mon état d'esprit c'était toujours d'être impatient de jouer, tu sais, Ouais. même quand j'allais dormir, j'allais me réveiller, je pensais toujours au jeu. Je pensais toujours à c'est juste penser au jeu, tu sais. J'avais l'impression que je m'améliorais juste en pensant Ok. au jeu, tu sais. T'en rêvais aussi ou pas? Est-ce que t'en rêves? Ouais, pas mal, pas mal. J'en rêvais pas mal. Ah Bien sûr, à chaque fois, quand j'étais à l'école aussi, je pense au jeu, je pense à. Ah, j'ai vraiment envie de jouer, j'ai vraiment envie de faire ça. Sur League of Legends, par exemple, je me rappelle, il y a des jours où j'ai vraiment envie de jouer Tryndamere avec ce build-là. J'ai hâte que je ouais, tape donc les. en fait, tout ce qui était hors du jeu, c'était quand même du jeu, mais en fait, c'était en mode réflexion, quoi. Qu'est-ce que je vais pouvoir jouer la prochaine fois, quoi? Il y Pas avait trop un. comme ça, c'était plutôt j'ai envie de jouer ça, j'ai Ok. envie de jouer ça, j'ai envie de tester ça quand j'étais en dehors du jeu. Et je pense que c'était une grosse progression. Enfin, j'ai l'impression que je m'améliore. C'est comme au dessin en fait. Au dessin, j'ai l'impression, enfin, je dessinais pas pendant 3 mois. Et après, 3 mois après, je trouvais que ma technique s'était améliorée à chaque fois que je pense au dessin, tu sais. Ouais, je vois le côté, on se bonifie aussi avec le temps, quoi. Pensez à tes passions. Je sais pas, Du coup, ça t'y marche pour moi. penses et tu te retrouves avec League of Legends sur quand même un pattern différent. Qu'est-ce qui fait la différence entre Tactical Ops, Warcraft et là League of Legends? Qu'est-ce qui fait que tu vas investir encore plus de temps? C'est le fait que ce soit le jeu du moment? C'est le fait qu'il y ait ton frère qui joue dessus aussi? Qu'est-ce qui se passe? C'est connu. Ouais. Premièrement, c'est connu parce que les autres jeux, ça perdait sa popularité et du coup, j'avais plus envie de jouer dessus. Et deuxièmement, c'est. Enfin, comme c'est connu, tout le monde en parle. Enfin, j'y joue énormément maintenant et je consacre tout mon temps parce que c'est un métier maintenant. Et ouais, c'est un peu le jeu de la saison. Ouais, Tout, ok. tout mes, tous mes potes y jouent, il y a mon frère qui joue. Ouais. Et alors, du coup, j'allais te poser la question du fait que pourquoi, qu'est-ce qui te pousse à faire de la compétition? Mais je crois qu'on a déjà répondu à cette question en fait, parce que tout est compétition. Du tennis, Tactical Ops, les jeux vidéo en général. Donc ça met en 2014, tu te retrouves dans une première structure à faire ton premier tournoi. C'était avec iCorp. Est-ce que tu peux rapidement en parler? Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui fait que tu arrives dans une équipe et que tu vas jouer contre d'autres équipes? C'est naturel ou c'est tu stresses? C'est bizarre parce que le tennis c'est pas mal tout seul en plus. Là, tu joues avec d'autres gens. Oula, je me rappelle plus si c'était stressant quand je faisais mon premier tournoi à 14 ans sur LoL. Je me rappelle plus, mais sûrement, ouais, sûrement. Je suis une personne qui est plutôt stressée quand je fais des choses que j'ai jamais faites. Ok. Je pense qu'il y a que de grandes chances que j'étais stressé à 14 ans. Mais à 13 ans même, je faisais genre des tournois en ligne. Je me Ouais. rappelle plus comment ça s'appelle. Go for Des LoL, go ouais. for lol, ouais. Ouais, j'en faisais pas mal. C'était avec je gagnais. Je faisais des Go for LoL avec LoLFR, il me semble. J'ai même fait un tournoi 1v1 quand j'étais chez LoLFR. C'est juste un groupe sur Facebook. Et le premier pas pour moi de sortir de ma grotte. Ouais. Je jouais depuis la saison 1, fin de la saison 1, et je jouais, je jouais, je. J'avais même pas. Enfin, j'avais Facebook, mais j'y allais rarement. J'utilisais pas les social media, j'utilisais que LoL et je jouais dessus. Jamais de tournoi. Et LoLFR, c'était la première team qui m'a sorti. De ma grotte, et j'ai fait un 1v1 tournoi, et je l'ai gagné, il me semble. Ouais, je l'avais gagné. J'étais Normal. diamant 1 en saison 3, il y avait masse diamant 1 dans le tournoi, et j'ai gagné, il me semble. J'ai gagné avec mon Z insane, et des Go for LoL, et ensuite j'avais toujours un bon rank en saison 4 surtout. Et il y a des teams qui m'ont pick up. Comme il y a eCorp aussi, Tout à fait. enfin, il y a beaucoup plus de choses à dire pendant cette histoire-là. Genre, c'était une période où j'ai stoppé le jeu 2 mois aussi. Ok. En disant que c'était fini ou... Ouais, je me suis dit, c'est fini, je vais pas faire un métier dessus, c'est useless, tu sais, parce que je commençais comment dire, il y avait la pression aussi des cours, tu sais, Ouais, de l'école. ouais. Je me disais, il faut que j'arrête de jouer parce que il faut que je devienne beaucoup mieux en cours. Enfin, j'avais la moyenne à chaque fois. Et je me disais, ah, si je me consacrais plus de temps au cours, peut-être que je serais insane. Et je voulais arrêter LoL à ce moment-là, et tout changé en gros. Mais après, quand j'avais des nouveaux potes qui jouaient à League La au rechute. collège. Ouais, au collège, et ensuite je me suis dit, allez, je vais reprendre. Et c'est ce qui t'a fait devenir encore meilleur. Alors tu commences la compétition et t'as l'air d'apprécier ça au point que, comme tu disais, il y a des équipes qui vont te pick up. Ça commence avec iCorp et ensuite en 2015, un peu plus tard, tu vas te retrouver chez Millennium. À l'époque, tout le monde me dit parce que moi je commence déjà, je suis déjà beaucoup la scène et on me dit ce mec-là est une machine. Il met tous ses comptes en challenger, il ne fait que ça, il est très très jeune, et d'ailleurs, ce fait qu'il soit hyper jeune, ça veut dire qu'il peut encore aller plus haut, plus loin, il peut encore monter plus de comptes en challenger. C'est quoi ce moment-là? C'est un moment assez fou, quoi. Tu te retrouves dans une des meilleures équipes françaises à l'époque, avec des joueurs qui sont des vétérans, genre Kazé, Djoko, pas encore, mais qui est Ah fou, ouais. et toi tu te retrouves. Bah, comme tu disais, petit, peut-être un peu stressé à l'idée de faire ses premiers pas là-dedans, avec des gens. En plus, il y a une gaming house à Marseille, toi t'es pas de Marseille, enfin, c'est encore un nouveau chapitre, ça. Ah non, non, c'était une gaming house à Paris. Je Ah, pense c'était à Paris? qu'ils avaient juste changé. Enfin, ils Oui, viennent c'est vrai, changer, il me c'était le semble. début de leur période parisienne. Je me rappelle toujours de la journée où ils m'ont demandé de jouer pour Millennium. Ouais. C'est un peu c'est bizarre. J'étais vraiment attaché à eCorp parce que, enfin, j'étais attaché à tout le monde. Je suis Ouais. toujours comme ça. J'aime bien tout le monde. J'ai envie de rester. J'ai envie de jouer avec eux. Mais quand Millennium m'ont demandé, j'étais toujours 50-50. Je voulais partir et je voulais pas partir. Ouais, je Mais comprends, il parce y que tu avais a, fait des amis en fait à iCorp. ouais. Et beaucoup de gens à eCorp, pratiquement tout le monde, m'ont dit de partir. Et j'étais en mode, wait, what? Ils m'ont dit, vas-y, il faut que tu prennes cette opportunité, tu sais, parce que Millennium, c'était l'une des meilleures teams. Et ils m'ont un peu poussé à la prendre cette opportunité. ouais, c'était bizarre, tu sais, parce que même si j'étais bon, je me disais, oh, jamais je vais être genre premier de dans une première team de France. C'était très très bizarre. Et c'était quand Joko ou Chané m'ont demandé Ouais. de try-out, un truc comme ça. Et après le try-out, tout s'est bien passé et je suis rentré chez Millennium. C'était un moment bizarre, je me sentais bizarre. Et ensuite, on gagnait tous les LAN de France et je me sentais bien. Bah tu sais que du coup j'ai demandé à certains de cette époque-là et ils me disaient que ils ont dû regarder si tu faisais pas partie des gens qui trichent quoi. Alors pour ceux qui connaîtraient pas, on appelle ça scripté. C'est donc du Ah coup bon? des petits scripts pour savoir si pour en fait améliorer ses performances puisque du coup le personnage fait des choses automatiquement. Et en On fait disait ça. donc dans le jeu League of Legends, il y a plein de possibilités de donc ce qu'on appelle dodge, donc d'esquiver certains sorts, certains coups fatals. Et Hans le fait particulièrement bien. Et j'en ai parlé avec pas mal de joueurs qui m'ont dit, il y a des fois où il se déplaçait au pixel près, là où il y avait encore un trou, quoi. Alors qu'on n'arrêtait pas de mettre tous des contrôles pour essayer de le bloquer. Et du coup, ils se sont dit, mais c'est pas possible. D'habitude, du coup, les scripts sont faits pour un ou deux personnages. Sauf que Hans, bah, il était bon sur tous. Et en plus, il avait la même capacité à dodge, que ce soit sur ses différents personnages, ADC, puisque c'est ton rôle. Et du coup, j'ai été impressionné d'entendre ça parce que moi-même j'avais pas entendu ça auparavant et du coup ça montre quand même la capacité de d'innovation et de skill que t'as apporté. Comment tu... Non, moi je m'enfermais pas. Enfin, quand j'étais chez Millennium, ce que j'ai de différent, c'est qu'est-ce que j'ai de différent? En fait, je joue beaucoup plus que n'importe quel coéquipier. Ok. Je joue à mort pendant ces temps-ci. Genre, quand j'étais chez Ecorp, j'étais le gars qui jouait 25 games par jour. Et chez Millennium, la même chose. Et je carriais tout le temps. Et du coup, je voulais plus arrêter. T'sais. Je sais pas, mais c'est toujours comme ça, mais solo queue avant. Bah certains joueurs de tes anciens coéquipiers m'ont dit le mot pour le qualifier c'est robot machine. Genre il enchaînait ses journées en jouant, dessinant, dormant, jouant, dessinant, dormant. Et s'il y avait une pause, c'était parfaitement la bonne occasion pour monter un nouveau content challenger pour toi. C'était ça ta pause. Ah ouais, c'était comme ça, ouais. Un peu. Ouais. Ah, je sais pas, mais c'est. T'en rigoles aujourd'hui de ça, du Hans de l'époque. Parce que j'étais pas comme ça. Je suis plus comme ça Ouais. maintenant. J'ai un peu repris. Enfin, il y a une grosse histoire que je vais en parler plus tard de cette période de 5 mois, mais bon, j'avais plus cet état d'esprit pendant les 3 dernières années, OK. et j'ai un peu repris cet état d'esprit quand j'ai dû jouer avec la team LFL. Ils m'ont donné un ils m'ont fait rappeler comment était mon état d'esprit il y a des années de ça, genre Ah. 4 ans avant. Et c'est pour ça que j'ai fait de bons résultats pendant les 2 dernières semaines de LEC. Je suis, on va dire, revenu. Il te fallait une sorte de flashback, comment ça se passe Ouais. dans ces cas-là, de se dire, ah mais en fait, j'aurais pu rester en scène française et non, j'ai la chance d'aller en Europe. Qu'est-ce qui fait tilt chez toi dans ces cas-là? Attends, j'ai pas trop compris la question, désolé. Bah tu disais que justement, ça t'a fait, ces dernières années, t'as été un peu moins aussi à fond, comme le disent certains de tes coéquipiers, en mode robot, en mode machine, à monter des comptes, à essayer d'être le joueur qui joue le plus possible, et du coup avoir un meilleur temps de jeu que ses coéquipiers, c'est s'assurer des victoires supplémentaires. Ça, c'est ce que tu disais. Et dernièrement, ça a été moins comme ça, jusqu'à il y a peu, puisque ça fait quelques mois, semaines que tu as l'air de dire que ça revient. Qu'est-ce qui fait le déclic? C'est comme tu disais, le fait de jouer avec d'autres coéquipiers? À un autre niveau? Ouais. Bon, je vais commencer par parler pourquoi j'étais plus la même. Pourquoi j'avais plus le même état d'esprit quand je Ouais. suis arrivé chez Misfit. Je trouvais que c'était un environnement totalement différent, plus professionnel, et Donc ça, c'est on le a un peu niveau genre. européen pour ceux qui découvriraient. Donc là, Millennium, c'était français. Et ensuite, tu vas Ouais. être récupéré par une équipe qui va aller en Europe, donc Misfits, avec en plus une équipe construite autour de toi. C'est pour rappeler un peu les bases. Alphari, qui est Ah non, c'était pas autour de moi, c'était. Je les ai juste rejoints, c'était pas autour de Non, moi. c'était pas autour de toi, mais il y avait quand même des sacrés coéquipiers pour pouvoir t'épauler. Et t'avais Alphari, il y a eu Kakao, Max Lore, Power of Evil, etc. Des joueurs de classe internationale, mondiale, si on parle de Kakao, etc. Agnar également, qui va te rejoindre en botlane. Et donc ça, c'est le début finalement d'un moment où t'as pas l'impression de progresser, finalement, c'est ce que tu dirais? J'ai beaucoup progressé ces 2 dernières années, enfin 3 dernières années, surtout en étant plus intelligent, Ok. plus, enfin 100 000 fois meilleur en termes de macro. Ok. Quand je parle à mes teammates, je parle vraiment beaucoup en communication en game. Et j'étais pas comme ça avant. Chez Misfit, ils m'ont toujours demandé d'être cette personne-là, de step up macro, être plus intelligent, dire à mes teammates qu'est-ce que je veux, tout ça. C'était la priorité pendant D'accord. ces 3 dernières années. 3 dernières années. Et je pouvais pas. Je trouvais que à des moments, j'aimais pas trop le jeu. Genre, il y a des moments où, des périodes de, je sais pas, quelques semaines, je me dis, what the fuck, c'est quoi ces jeux? J'aime plus du tout ces jeux. Tu sais, je dois focus beaucoup plus sur les reviews. Je dois réfléchir comment je vais à des choses que j'ai jamais réfléchi. Tu sais, avant c'était tout à ma sauce. Chez Ecorp Millennium, je faisais tout à ma sauce. Je faisais mon style de jeu. Je jouais beaucoup à l'instinct, et après, quand je suis rentré dans une team européenne, suite, c'était surtout que la méta c'était genre beaucoup de wards, très très lent la game, et je devais apprendre beaucoup de ça. Et je trouvais que le jeu c'était pas très très fun à jouer. Et je continuais, et je tryhardais comme un fou, même si c'était pas très healthy, je trouvais. Je suis arrivé au World ensuite, après ça. Ça s'est un peu écroulé, 2018, 2019 aussi. Et ouais, c'était juste un état d'esprit différent. Et là, j'essaie de reprendre un peu le thème où je me focus uniquement sur mes skills d'AD Carry, le dodge, les all-in, en gros les mécaniques, les décisions individuelles, les teamfights. C'est ce que je focus là depuis que je suis rentré en LFL, et c'est beaucoup mieux pour mon niveau. Ok, c'est intéressant de voir le swap finalement entre les deux, entre le fait qu'on te demande de faire de la macro pendant 3 ans alors que t'es arrivé comme plutôt justement un génie à sa sauce quoi, et ensuite du coup ça te formate un peu au point que ça te dégoûte parfois un peu du jeu, C'est jusqu'à ça. finalement revenir sur peut-être une autre ligue pour pouvoir reprendre des mécaniques, se dire que tu peux outplay l'adversaire, etc. C'est du coup un bon C'est mix qu'il faudrait avoir, quoi, en fait. Chaque joueur devrait avoir un mix entre macro et plays individuels. Ouais, c'est faut toujours avoir une bonne balance. Et ce que j'ai appris en LFL, c'était juste quand j'ai travaillé avec les 4 différents teammates, Ouais. surtout DK, je me suis dit oh là là, pour eux ils font la même chose que j'ai faite quand j'avais 14. C'était full solo queue, full tryhard. C'est comme ça qu'ils arrivent loin. Et je me suis dit ah, j'ai un peu délaissé la solo queue. Enfin, j'en jouais quand même 10 fois par jour, mais j'ai pas genre l'état d'esprit d'avant. Genre, quand j'avais 14 ans, c'était mon état d'esprit, c'était allez, je vais gagner le plus de points aujourd'hui. Je vais monter 10 comptes en challenger, 20 comptes en challenger. Ça sera mon objectif. Je vais comme une machine, tu sais. Et là, j'ai un peu arrêté. C'était plutôt mon état d'esprit. C'est à chaque game de solo queue, ok, je vais faire une solo queue. Je vais me focaliser sur improve chaque game. Je vais me focaliser sur ok, à chaque base, quand je vais presse la base, qu'est-ce que je vais penser? C'est quoi le prochain objectif? Je pense au truc que je dois penser pendant les scrims, pendant de ce qu'on m'a dit de faire, tu sais. Et ça marchait pas. Enfin, ma conclusion, c'est que ça marche pas pour moi. J'ai repris le focus d'avant, et c'était plutôt pour grind les points pour faire le plus de comptes en challenger. Là j'en ai déjà 3, et il y en a un quatrième qui va passer le challenger. Ah, ça c'est un bel objectif. Et j'ai gagné tellement de points avec Crazy Caps, même si c'est un diamant 2 à des carrés. On a perdu 0-3 en LFL, puis on a pu faire au moins 100 games, plus de 100 games en une semaine. Et Ok. DOS, j'ai fait au moins 400 games avec lui en 2 semaines, 3 semaines. Et tu parlais de DK. DK, c'est typiquement un mec qui a faim de victoire, qui a encore beaucoup de choses à prouver. Est-ce que tu as l'impression que du coup il y a une nouvelle génération aussi qui arrive après toi, alors que pourtant toi tu étais considéré comme la nouvelle génération il y a encore quelques années? On se disait, ah, Hans, c'est le petit jeune, et encore, Hans, on le dit, hein, tu as moins de 20 ans, donc tu es encore très jeune. Mais du coup, tu te rends compte avec d'autres gens qui ont vraiment faim de victoire et de rentrer en européen, là où ça fait déjà, toi, presque 3 ans que tu y es. Il y aura du nouveau sang, on va Ouais. dire, new blood. New Blood, ouais. Y en a toujours. Dans chaque Toi, ça te fait peur? sport compétitif ou e-sport compétitif. Non, ça me fait pas très peur parce que je trouve que j'ai un potentiel très unique, mais je l'ai jamais vraiment utilisé toutes ces 3 dernières années, je trouve. Ah, tu gardes encore pour l'année prochaine. C'est bien ça. Merci, Hans. Non, c'est juste le potentiel d'être vraiment bon mécaniquement, individuellement. Surtout, c'est un peu le truc de caps qui a surtout. Et je pense que je peux arriver à cet état-là si je grind en vrai, si je fais la même chose que j'ai faite il y a plusieurs années. Enfin, je suis en train de te parler même, comme si c'était genre tout est mal arrivé pendant ces 3 dernières années, mais c'était plutôt qu'il y avait beaucoup de up and down. Pendant les ups, on est arrivé au World, Et je me ouais. sentais bien, je jouais comme un malade, j'étais dans la zone, mais après ça, je me suis quand j'ai du focus dans le leadership, communication, call, ouais, macro, je me sentais pas que j'étais pas dans la même place. Et ouais, c'est juste qu'il y avait beaucoup de up and down, c'est pour ça que je parle pas trop bien de ces 3 dernières années. Ouais, mais Mais ça veut dire aussi que tu veux prouver plus, quoi. Que t'es en mode, ouais. j'ai pas assez prouvé dans mes dernières années, donc je veux encore y aller, quoi. Alors que certains pourraient être en mode, bon, bah c'est la fin de ma carrière. Toi, c'est pas du tout comme ça que tu le vois. Non, mais tu Non, vois, d'autres c'est joueurs seraient vraiment en mode, bon, je vais aller jouer en national et bye bye. ouais, c'est pas comme ça que je vois. Comme je vais te donner un exemple Ouais. à propos de ces deux ce dernier mois où l'histoire où toute la team a été bench. Ouais, c'est vrai. Tout le monde a été bench, moi y compris. Et je vais pas rentrer au détail parce que c'est plutôt trop dans l'organisation. Et en gros, j'ai jamais perdu la foi. Je trouvais que quelques coéquipiers dans ma team étaient plutôt tiltés, mais moi j'étais en mode je disais même au coach, je vais revenir en LEC. Je vais revenir. C'est à cette époque-là, enfin, il y a un mois, j'étais pas vraiment loin en termes de niveau de Nien. Je trouvais qu'il était bon. J'étais pas vraiment unique. Du coup, ils le prennent et je suis d'accord, tu sais, parce que je n'apporte pas une très grosse différence dans la team. Mais après 2 semaines de full grind, genre full grind en ayant l'état d'esprit de quand j'étais plus jeune et quand je suis arrivé en LFL. Et moi, être en LFL, c'est pas l'organisation qui m'ont demandé d'aller en LFL, c'était plutôt de ma propre L'initiative. initiative. Et parce que je voulais tenter de nouvelles choses. J'ai pas envie de faire une semaine vide où je fais rien, tu sais. J'ai envie de toujours faire de la compétition, de m'entraîner avec un support différent en ayant l'objectif de gagner. J'ai joué avec Crazy Caps qui est diamant 2 AD Carry et qui n'a pas joué le jeu depuis 3 mois. C'est vrai. Je l'ai pick up et enfin on pouvait pas choisir un autre support parce que C'était trop compliqué d'avoir un nouveau support. Ouais. ouais, et on a dû prendre le manager qui était dans la liste de roster LFL. Et mon objectif avec lui, c'était juste d'être meilleur en 2v2, de grind à mort la solo queue. On a pris genre 5, on a pris genre 700 LP en une semaine. Et à la fin du compte, on gagnait même contre des botlane Academy, voire LEC en solo queue. Et c'est à partir de là, c'était à partir de là où je me sentais ok, je reviens là petit à petit Est-ce que en du termes de coup, niveau. t'as l'impression que c'était un bon choix du coaching de sortir toute la line-up pour toi en fait, pour dans ta tête à toi. Pour moi, ouais. Pour moi, ouais. Donc en fait, ça peut servir de sortir les joueurs et d'avoir 10 joueurs pour dire, ok les gars, parfois vous êtes peut-être pas au niveau, et ça c'est un peu un avertissement, mais aussi comment on appelle ça, un moyen de vous faire réagir en fait. De se dire, mais non, ils ont pas fait ça, ils ont sorti tout le monde. Parce que j'imagine que ça a dû quand même être assez incroyable, quoi. C'est Bon, je arrivé. trouve, même si c'est bien pour moi, je trouve pas que cette décision soit de la meilleure. Même si même il y aurait quelques décisions où je trouve que je pouvais mieux faire dans la SE sans être bench. Je vais pas en parler. Non, mais normal. Ça fait partie des histoires d'équipe. Mais Ouais, par contre, pour toi, et ça a été un wake-up call. Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle en anglais. un wake-up call, c'est plutôt. J'ai eu l'opportunité. Ouais, un wake-up call en gros. J'ai eu l'opportunité de jouer différemment. Genre dans une équipe qui a une culture différente. Parce que j'ai toujours eu la même culture pendant 3 ans et je trouve que ça devient un peu lourd. Tu sais. Et dans la culture de LFL, c'était plutôt. Ok, tout le monde est libre de jouer leur style de jeu. Vous sortez ce que vous avez pour gagner. C'était beaucoup plus libre et on doit grind à mort. Et c'est ce que j'ai fait avec Rezicap. C'est au final, le mec Rezicap, c'était la meilleure semaine, le meilleur mois de sa vie, il m'a dit. Enfin, non, pas de sa vie, mais pendant ses 3 ans de vie, parce qu'il était manager et avant il était joueur, et il disait, ouais, c'était vraiment cool de jouer avec toi, quoi, parce qu'il y a toujours cet esprit de compétitif. Mais après, quand j'ai changé de support, et lui il a essayé de jouer en solo queue, il a arrêté LOL encore une fois. Et Il du a arrêté coup, très vite. on peut dire EU meilleur que Corée, puisque toi, tu as eu quand même beaucoup de support coréen. Et là, tu parles de plaisir à avoir joué avec Crazy Caps. Comment c'est de jouer avec des Agnar, des Gorilla, qui ont une grosse expérience en Corée, qui sont venus sur l'Europe pour pouvoir régner et jouer aussi en Europe? Comment ça s'est passé? Tu trouves que la plus grosse différence c'était avec Ignar. Je me disais que même si, enfin, quand j'avais 16 ans, quand je suis rentré chez Missy, je trouvais que j'avais un niveau vraiment insane. Mais quand Ignar il est venu, je me suis dit, what the fuck, ce gars il est tellement bon, tu sais, parce qu'il revient de la LCK. Je me disais, what the fuck, ce gars il carry les games tout seul. Jamais eu ça, tu sais. Et c'était une des moments où je me disais, oh là là, mes coéquipiers ils sont vraiment meilleurs que moi. Mais avant c'était pas comme ça, c'était jamais comme ça. Genre, avant, quand j'étais chez l'LFR, eCorp, Millennium, je me disais pas que mes coéquipiers ils étaient vraiment vraiment au-dessus. J'étais genre peut-être un petit peu en dessous ou vraiment à l'avance. Mais avec Ignar, je me disais, holy shit, ce gars il est vraiment insane et je dois apprendre de lui. Et on a appris pendant 1 an et demi, on est arrivé au World. C'est vrai que c'est ça qui est dingue. Et du coup, est-ce qu'il y a encore des joueurs qui te font rêver aujourd'hui? Où tu te dis. Ah, je sais pas. Non, tu te dis Non. que y a pas. Enfin, tu veux pas t'approcher d'un style de jeu ou d'un joueur en particulier en disant j'aimerais tellement pouvoir ressembler au style de jeu de un tel ou. Non, j'ai juste envie de jouer mon style de jeu Ok. maintenant. J'ai appris tellement de choses et je suis beaucoup plus intelligent sur le jeu, je connais à peu près tout. Et j'ai juste envie de jouer mon style de jeu là et je pense que ça sera mon année quand je vais pouvoir jouer mon style de jeu dans une team. Et t'as des dizaines de milliers de games à ton actif, même peut-être, oui, plusieurs dizaines, et t'aimes toujours jouer à League of Legends. J'adore League of Legends. C'est incroyable. C'est En vrai, Enfin, c'est j'adore incroyable. les Est-ce que tu jeux. pensais quand t'étais plus jeune que ça pourrait durer comme ça? Non. J'ai commencé à y penser quand je suis rentré chez Millennium et Misfit. C'était la période où j'ai arrêté les cours aussi. Et ouais. Avant ça, c'était plutôt Ouais, je vais jouer. J'ai toujours cet esprit compétitif, mais d'un côté, tu te sens toujours. Je me sentais toujours inconfortable parce que mon avenir. Je trouvais pas que je pouvais faire quelque chose sur des jeux et je me disais toujours. Le côté inconfortable, c'était me dire de d'arrêter, genre les jeux et de consacrer sur les études. C'était ça, ce moment inconfortable. Même si j'avais vraiment de passion pour les jeux. Et du coup, c'est quoi maintenant les prochaines étapes pour toi, Hans? La prochaine étape, ton objectif, ce que tu as en tête à fond? Je pense toujours enfin, j'ai commencé à penser, je dois vraiment gagner des tournois. Ok. j'ai gagné aucun tournoi, mais enfin, aucun tournoi européen. Enfin, j'ai gagné des LAN, mais je préfère gagner les LEC, les Worlds. Et je pense toujours à gagner ça, vraiment. C'est faisable avec une personne comme moi. J'ai jamais pensé que je suis vraiment. Enfin, il y a des moments où j'ai pensé que j'étais pas bon, mais à chaque fois, c'est au final, je trouve que je suis bon. Parce que pendant la période où tout le monde a été bench, il y avait moi où j'étais vraiment pas stressé. Enfin, je stressais un tout petit peu par rapport à mes autres coéquipiers. Je trouvais que j'avais toujours le potentiel de revenir et j'étais vraiment confiant de mes propres skills. Et j'ai réussi à augmenter mon niveau de genre 5 fois et j'ai réussi à try out pour la nouvelle main team et carry à peu près 90% des games et obtenu ma place. Parce que c'est vraiment dur. D'un côté, je trouvais que c'était vraiment dur de revenir et de prendre la place de Nien parce que le gars, il avait un bon fit pour la team. Il jouait avec la team pendant un an et même en scrim, quand il jouait contre moi, je trouvais qu'il était bon contre moi. Il me battait des fois. Et c'était dur. Je me suis dit, enfin, je baissais pas les bras, mais et quand les gens pensent à ça, ils pensent que c'est dur. Mais j'ai réussi à le faire et enfin, augmenter mon niveau de 3 fois en genre 2 semaines et réussir à prouver à tout le monde que je suis vraiment meilleur que lui, c'est un petit exploit pour moi. Ouais, je comprends. Et du coup, j'ai l'impression que tu as l'air d'être plus mature sur tes capacités à carry, aussi la balance que tu dois avoir. On en parlait un peu plus tôt entre macro, micro et le fait de se dire, ok, il me faut quand même du temps pour que je montre que je suis le meilleur, quoi. Parce que j'ai l'impression que t'as pas pu faire ces derniers temps. Ouais, j'ai pas pu faire ça ces derniers temps. Enfin, il y a quelques games où j'ai pu montrer que j'étais vraiment au-dessus de tout le monde. Mais c'était plutôt. À chaque fois, c'est genre au début de chaque saison. Au début de Spring Split 2018, au début de Summer Split 2018, à chaque fois, je suis en mode Smurf et tout le monde dit que je suis le meilleur des carrés d'Europe. Même en 2019, début de Spring 2019, début de Summer de 2019, je suis en mode machine, tu sais. Ouais, Mais c'est le après, moment au où tu bout d'un pré que tu moment, préfères. ouais, parce que à chaque fois, je m'entraîne vraiment à fond avant de rentrer dans un split. Je m'entraîne à fond en solo queue, je vais en Corée Bootcamp et je trouve que j'ai, à ce moment-là, peut-être que j'ai le bon mindset. C'est pour ça que je fais des games de ouf. Mais après, quand je me prends dans le grind de l'équipe et que je me focalise sur les choses que les gens veulent, je trouve que c'est pas ma place, on va dire. Et le problème pour moi, c'est que à chaque fois, je n'ai pas de forte opinion. Je suis beaucoup les autres en team game. Enfin, ma personnalité, c'est comme ça. C'est un truc que je dois m'améliorer, c'est ma personnalité, c'est plutôt très gentil et j'évite les conflits et quand quelqu'un me dit son opinion et que c'est un conflit sur mon opinion, je préfère le suivre si mon opinion est genre viable, tu sais. Et à chaque fois, c'était comme ça, et je pense que c'est un peu une erreur de ma part. Mais d'ailleurs, c'est un peu ma question t'es bon, tu montes, que je vais avoir à chaque épisode. Ma question t'es bon, tu montes avec toi, c'était forcément. Je trouve que il y a quand même une transformation qu'il y a eu, puisqu'on se connaît depuis assez longtemps, on s'est vu quand on était à Hambourg, on s'est vu quand t'as commencé chez Millennium, etc. T'as quand même trouvé le moyen d'être beaucoup moins timide qu'auparavant. Alors, l'exposition médiatique, le fait que Ouais. t'es grandi. Que tu sois à Berlin, au milieu d'autres gens, etc., qui sont parfois aussi visibles, famous, etc. Comment Ouais. tu t'as. C'est un peu le conseil que tu pourrais donner aussi. Qu'est-ce qui, toi, a fait un peu le déclic pour dompter ta timidité native, quoi? Le déclic. Ouais, le déclic ou des choses auxquelles tu penses, ou etc., pour dire, bon, ok, j'ai plus besoin d'être timide, c'est fini, ça, c'était avant. Pas vraiment. Je me rappelle pas d'avoir de déclic. C'est plutôt faire des centaines d'interviews. Après ça, t'es en mode. Ok. Donc en fait, c'est comme faire des solo queues quoi. C'est finalement plus t'en fais, plus c'est bon quoi. Ouais. Pareil avec les interviews, pareil avec la timidité. C'est ça. Ça, c'est intéressant, c'est par l'expérience en fait. Ouais. Plus j'en fais, plus je suis tranquille. J'ai fait tellement de matchs et tu sais que au World, même si c'est une place où tout le monde stresse, c'était la période où j'ai le moins stressé. J'étais tellement chill quand je jouais les World. Allez, on gagne des games comme ça. Ouais, ça avait. C'est vrai que c'était une période assez bizarre quand t'as tout le monde qui stresse au même endroit et que du coup toi tu te dis, ah, mais moi je stresse moins que les autres, en fait. Ouais, c'était aussi la façon dont les teams pensaient de Misfits aussi. Tout le monde pensait du mal, du coup il y avait genre rien à perdre. Ouais, Tu c'est vrai joues que c'est mieux que passive. d'arriver en héros. Toi t'as l'impression que ça dessert certaines équipes de dire, ah, oh, c'est une super team et du coup ils doivent performer. Tu préfères être inattendu? Ouais, inattendus. Oh, tu Je préfères que ce préfère soit. être les underdogs, Ouais. mais aussi ça dépend de comment est mon état d'esprit quand je rentre dans un match. Il y en a plutôt qui, enfin, la part des gens pensent à ce que les autres pensent, comme moi un peu, et ça peut nuire aux performances. Ok. Ouais, je vois le côté suranticiper ce que peut penser l'autre. Ouais. Ok, et est-ce que tu dessines encore toujours beaucoup hors du jeu? Est-ce que tu as d'autres activités que tu t'es créées ces dernières années depuis que tu es à Berlin? Je dessine rarement. J'ai pas trop. Enfin, j'ai dessiné juste un, deux dessins pendant ce split-là, Ok. voire cette année-là. Je pense que c'est une erreur de ma part d'arrêter le dessin. Je trouve que je devrais dessiner beaucoup plus, avoir toujours cette. Enfin, j'aime vraiment bien dessiner, mais des fois, tu perds la motivation quand t'arrêtes pas de perdre sur League of Legends. À chaque fois, c'est ça sur. C'est ça avec moi, quand je perds, j'ai envie de jouer beaucoup plus, j'ai envie d'arrêter les autres choses que j'ai faites. Et je pense que c'est pas la bonne chose à faire. Faut réussir à mixer quoi. Du coup, c'est ton Ouais. objectif des prochains mois là? Ouais. C'est dessiner beaucoup plus. Enfin, c'est plutôt un truc pour me déconnecter de League of Legends totalement, des fois. C'est cool. Et ouais, regarder des animés, des trucs comme ça, juste Ça pour reste une activité que t'apprécies carrément. ouais. Enfin, jouer genre 18 heures de ligue par jour sans s'arrêter, ça tue un peu, un tout petit peu. Même si on me disait que j'étais un robot, des fois je faisais des breaks. Hein. C'était pas genre full solo queue, full solo queue, full solo queue. Enfin, Heureusement. je dormais, je mangeais, je regardais des animés. Je regardais toujours des animés en file d'attente à ce moment-là. Avant, il me semble. Je Ouais. regardais toujours des animés. Je regardais même des animés quand j'étais en jeu. En double Je faisais screen. des alt-tabs. Ah oui, Non, carrément des le alt-tab. alt-tabs. Ah, Ah très bon. oui, c'est comme ça. Oui. Et ouais, C'était du comme coup, ça. t'as l'impression d'avoir une balance de travail, on va dire, et de vie perso qui est pas encore parfaite. C'est pas évident quand on est joueur pro. Ouais, c'est pas évident. Ah, je fais beaucoup plus de sport. Enfin, je vais à la musculation et Ouais. je cours et je pense que j'en ai besoin. Je pense que Après avoir 3 ans où je m'asseyais toujours, je faisais aucun sport, je me sentais mal à un moment. Ok. Je me sentais que ma santé n'était pas genre la meilleure. Ensuite, cette année, c'était plutôt ok, je vais bien manger, je vais faire beaucoup plus de sport. Et là, je me sens très bien. T'sais. Ouais, t'as l'impression que t'as une forme physique qui te permet de faire ce que tu veux. Ouais, je pense que pour moi, c'est très important que je fasse du sport à côté, au moins 2, 3 par semaine. Je me rappelle que quand je faisais du tennis à 14, c'était un peu la période où j'ai improve le plus. Ok. Je pense que le sport, ça aide beaucoup pour League of Legends, même si ça a rien à voir. Enfin, Bah si, pas ça a un tant, pas truc à tant. voir. Ouais, je trouve que je suis mieux, je me sens mieux quand je fais du sport. Plus en forme. Et du coup, c'est ce que tu recommanderais finalement à tous ceux qui voudraient eux aussi grimper dans le ladder, être meilleur, mais aussi peut-être jouer en compétition comme toi tu l'avais fait quand tu étais plus jeune, c'est de mixer sport, un peu de discipline pour faire quand même ses devoirs et maximiser le temps pour pouvoir faire des games? Ou est-ce que c'est tu te dirais, c'est quoi le Sais conseil pas que si tu ça leur donnerais? marche. Je sais pas si ça marche sur les autres parce que moi c'est unique parce que j'ai de l'anémie. Ouais. C'est un problème avec le sang et on m'a dit que je devais faire du sport sinon je vais me sentir comme un grand-père déjà. Ouais. Donc c'était Et une je sais raison de pas plus. si ouais, c'est une raison de plus. Pour moi ça m'aide beaucoup mais je sais pas si ça aiderait. Enfin, on dit que ça aide beaucoup de gens mais je sais pas. Pour les autres, mon conseil c'est plutôt de spammer le jeu du bon côté et avoir le bon état d'esprit parce que la plupart des gens tiltent à cause de leur teammate. Mais moi j'ai presque jamais le mental qui part en feu à cause de mes teammates. C'est plutôt je rage que quand j'ai une mauvaise connexion ou je joue comme un débile pendant 5 games d'affilée. Des choses qui, du coup, que toi seul tu peux contrôler, quoi, finalement. Pourtant, Ouais, t'en as je eu des tilt. centaines de milliers de teammates. Ouais, je tilt pas sur mes teammates. Je comprends bien le système. C'est genre 50%, tu tombes avec des bons teammates. 50%, tu tombes avec des mauvais teammates. Et c'est juste, c'est moi qui contrôle tout. Si je joue bien à tous les games, je vais climb et prendre le rank 1, le rank 2, le rank 3, le rank 4. C'est comme ça. J'aime bien cet état d'esprit. Ça me fait plaisir, Hans, de discuter de tout ça avec toi dans ce podcast. On en arrive déjà presque au bout. Ça Oh va, là là, c'était. je pense à mon français, des fois ça Bah ouais, c'est vrai buguait. que du coup, il y J'ai a pas mal peur de mots que. anglais aussi, mais parce que tu vis dans un monde où en fait tu parles plus anglais que français aujourd'hui, Hans. Ouais. Pendant un an, je parle, je sais pas, 100 fois plus. Enfin, je parle rarement français. Je parle pendant un mois français avec mes parents, Ouais. mais en dehors de ça, non. Juste anglais. Même avec soi, je parle en anglais. là là là, deux francophones qui du coup sont dans la Les même gens, équipe mais qui parlent anglais ensemble. ils se demandent hey, pourquoi vous parlez anglais avec votre anglais broken. Je dis Vrai ah que mais ça c'est quand même un truc que tu as dû apprendre très vite quoi. j'ai appris en un an en étant sur League of Legends. Alors à 11 ans à l'école je me tapais des 6 sur 20 en anglais de moyenne. Et un an après je me tapais des 19 sur 20 en anglais. En mettant C'est que des pas ça. acronymes dans tes copies, genre AFK. Non, non, non, non, non, c'était, je sais pas, mais ça aide vraiment énormément le jeu quand je les spam, mais t'as toujours cette motivation, enfin, tout le monde a des amis sur LoL, et j'aime vraiment bien jouer avec eux pour le fun des fois, et c'était un peu une motivation pour apprendre l'anglais. C'était rapide. En un an, j'avais un anglais super. J'ai eu la même. Sans League of Legends, j'aurais jamais appris l'anglais. Non, mais c'est vrai. Parce que le contenu le plus intéressant, il était en anglais. Et les gens, du coup, qui travaillaient sur le jeu étaient bah, forcément anglophones. Du coup, Ouais. fallait s'y mettre, quoi. Quoi qu'il se passe, fallait s'y mettre. Et c'était bien, en C'est fait. ça. d'avoir les streams, d'avoir les joueurs et tout. Eh ben, je suis content, merci. J'espère que tu regrettes pas d'avoir fait ce premier podcast avec moi. Non, non, non, c'était cool. Moi, je suis ravi de t'avoir eu pour la première, comme je disais. T'es un personnage important de la scène. Pas celui qui parle le plus, mais celui qui en fait quand même beaucoup. Et du coup, je suis super content de t'avoir eu. Ma dernière question, et c'est celle que je vais poser à tous les joueurs et coachs et managers que je vais recevoir, c'est toi, qui viens de la faire, cette interview avec moi, qui est-ce que tu prendrais comme joueur de la scène francophone pour justement venir dans ce podcast qui c'est que tu voudrais entendre, en fait? S'il y en a un que tu voudrais entendre dans ce podcast, ou parce que tu penses qu'il a des choses à dire, qui ce serait? Ce serait francophone, ça serait Soaz. Ok. Ouais, c'était mon teammate, je m'entendais bien avec lui. C'était le gars qui, enfin, j'aimerais bien l'entendre parler, tu sais, en podcast de quand j'avais genre 14 ans et que j'allais faire un 1v1 contre lui à Val d'Europe en Seine-et-Marne. Ouais. Et c'était fun, quoi. C'était le premier moment où je l'ai vu. Enfin, la première fois où j'ai vu un pro player, c'était Soaz. J'ai hâte de maintenant de prendre tes conseils à toi et d'avoir Soaz dans les prochains épisodes. Je lui proposerai, en tout cas, c'est certain. D'après-midi, Hans, merci pour tout. C'était super cool de faire cette émission avec toi. Et puis, à très vite. Merci à toi. Et c'est ainsi que s'achève ce premier Push to Talk. L'épisode 1 avec Hansama est conclu, mais il y en a bien d'autres qui arrivent. Merci Hans d'avoir participé à ce premier épisode. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à partager sur les différents réseaux ce Push to Talk. Il est sur YouTube si vous y êtes, il est également sur Spotify, il sera sur d'autres plateformes également. Je vous souhaite le meilleur, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview avec un autre acteur français de l'e-sport League of Legends. Portez-vous bien. Et à la semaine prochaine.